Cinquième partie, chapitre 16 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Cinquième partie, chapitre 16, les sentiments qu'il faut conserver après cet exercice. Le jour que vous aurez fait cette rénovation et les jours suivants, vous devez prononcer souvent de cœur et de bouche ces ferventes paroles de saint Paul, de saint Augustin et de sainte Catherine de Gênes. « Non, je ne suis plus à moi, soit que je vive, soit que je meure, je suis à mon Sauveur. Je n'ai plus rien de moi, ni rien à moi, c'est Jésus qui vit en moi, et tout ce que je puis appeler mon bien, c'est d'être à lui. Ô monde, vous êtes toujours vous-même, et moi, j'ai toujours été aussi moi-même. Mais dorénavant, je ne serai plus moi-même. Non, nous ne serons plus nous-mêmes, car nous aurons le cœur changé, et le monde qui nous a trompés sera trompé en nous, car, ne s'apercevant de notre changement que peu à peu, il nous croira toujours semblables à Ésaü, et il nous trouvera enfin semblables à Jacob. Il faut que notre cœur conserve bien l'impression de cet exercice, et que nous passions doucement de la méditation aux affaires et aux conversations, de peur que l'onction de nos bonnes résolutions ne se perde tout d'un coup, parce qu'il faut que notre âme en soit bien pénétrée en toutes ses parties, mais sans qu'il nous en coûte aucun effort violent ni d'esprit ni de corps. Fin du chapitre 16, cinquième partie.